Ce mercredi 12 février, CKRL t'invite à sa mensuelle animée devant public et sortie culturelle en direct du bal du Lézard. Ce mois-ci, on reçoit Surette, on reçoit Gus Engelhorn en prestation, on parle à Patrick Labbé du festival Le Focoff, on parle aux Babaloonies, groupe surf de Québec, ainsi qu'à Le Coq. Tout ça mercredi 18h au bal du Lézard, 1049 3e Avenue.